Très bien. La bof nouvelle du jour. On enchaîne tout de suite. Putain, ça y est, c'est le. La bof nouvelle c'est du le jour. Stress. La bof nouvelle du jour, c'est que saviez-vous que la croissance du nombre de corbeaux incite la ville de Nyon à explorer l'impact de leurs cris sur la santé. Voilà. Je ne le savais pas. Voilà, moi non plus. Et du coup, la ville de Nyon vient de lancer une étude avec le centre universitaire Unisanté sur les cris des corbeaux freux qui sont de plus en plus nombreux dans nos quartiers. Le but est d'évaluer les répercussions de ces nuisances sur la qualité de vie. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un questionnaire en ligne afin de récolter les impressions de ces cris d'oiseaux, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il s'agit donc de nuisances sonores ? Non, non, en fait, le questionnaire prend une dizaine de minutes à être rempli en ligne. Donc c'est ça que. Donc c'est vraiment personne une. Personne ne le remplit, en fait. Mm-hmm. Personne n'a le temps de remplir un questionnaire. C'est énorme, 10 minutes, non ? Mais oui, mm-hmm. on perd la concentration après une minute à peine, on a oublié ce qu'on était en train de faire. Puis ce que je me demande, c'est surtout quel est le but ? En fait, est-ce que le but serait de trouver une manière d'éradiquer les corbeaux ou alors de. Enfin, en fait, voilà. De confirmer qu'on considère certains animaux comme des nuisibles ou pas. Et puis les corbeaux, ils n'ont pas l'internet. Avec pour leur bec. Parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi lancer un questionnaire en ligne pour les corbeaux afin de connaître la répercussion des bruits. C'est vrai que toute la journée, à plusieurs. Ouais, mais quel est l'impact des cris des humains sur la santé des corbeaux ? Ah. Ah. Et oui. Oui. Qu'ils répondent aux questions. Donc c'est quelle est la poule et quel est l'œuf ? Ont-ils des dents ? Voilà. C'est genre. T'avais qu'à pas commencer. Non, méchant toi. Humain. Miroir. Miroir, voilà. Je te volerai tes qui boucles d'oreilles. Qui est la plus belle dans ce miroir. Voilà, je détruirai tes trottinettes électriques.